بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع ثرهم واقتفى، ما بعد. Donc on va voir, Inch'Allah, comment ça se passe avec le dénombrer le nombre entre 3 et 10. Donc là, dans la leçon, c'était la numéro 1, il avait écrit « Iqra wa aktub ». Et dans cet exercice-là, il avait mis des chiffres de 3 jusqu'à 10, afin que tu connaisses les nombres de 3 jusqu'à 10. Ensuite, il faut que tu regardes, lorsque tu veux te le dénombrer, tu vois, ça doit s'accorder, tu vois, d'une manière qui est bien précise. Donc, il y en a dans ces choses-là, t'as quoi? T'as l'adad et t'as quoi? At-tamyiz. Le hadad, c'est le chiffre, le nombre, quand même. Ou atamiyiz, c'est la chose qui est dénombrée. Mais c'est je te dis thalatha, tullab, 3, thalatha, c'est le nombre, al-hadad. Ou at-tullab, c'est la chose qui a été dénombrée. Donc c'est quoi? Ça s'appelle atamiyiz. Donc ces choses-là, t'as al-hadad ou atamiyiz. Donc marquez comme ça, marquez al-hadad ou atamiyiz. Qui sont entre 3 et 10. Donc, je vous demande des chiffres. Entre 3 et 10. Donc, le chiffre est dénombré. Donc, le jugement, la hadad, c'est le chiffre. Ou à tamiz, c'est ce qui est dénombré. Baina thalatha ou à ajar. Donc, là, j'ai marqué la hadad. Donc, le chiffre. Yakun mu'annathan. Donc, il sera plutôt féminin. Si jamais in kana at-tamyiz, si jamais le dénombré, il est masculin. J'ai marqué après wal aksu tamaman, c'est-à-dire l'inverse. Si jamais le tamyiz il est féminin, le nombre va être masculin. Tamaman, c'est quoi la? En gros, ça va, yani ça va être le aks complètement. Le aks tamaman, en gros, ça va se passer comme tu l'inverse complètement. Donc là, le même truc, c'est quoi? At-tamyiz, on a vu le hadad. Donc le hadad, on a dit quoi? Il doit être féminin si jamais le dénombré est masculin. Et l'axe. Si le dénombré est féminin, il est masculin plutôt, le nombre sera quoi? Féminin. Et il dit quoi? At-tamyiz, par rapport au tamyiz, c'est quoi? At-tamyiz, lorsqu'il est entre 3 et 10, tu dois observer 3 choses. Il doit être pluriel. Il doit être nakira, c'est-à-dire indéterminé. Et il doit être mudaf ilayhi. Donc ça veut dire quoi? Donc le hadad il sera mudaf. Parce que si tu trouves pas de mudaf ilayhi, il sera mudaf. Donc trois choses. Le tamyiz, il faut qu'il soit pluriel, indéterminé et mudaf ilayhi. Donc tu diras, مثلاً, tu veux dire 10 élèves, tu vas dire 'asharatu tullabin. Tullab, pluriel. Il n'a pas, il est nakira, et il est mudaf ilayhi. Tullabin. Comme j'ai écrit ici, le tamyiz. Hein? Elle, tu ne mets jamais. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas dire Asharatul Tullami. Donc, il y a Tamiz, Baina Thalath wa Ashar, Jam'un, wa Nakira, wa Mudafun, Ilayhi. Donc, trois choses. Vas-y, Thaman, donc c'est le prix. Le prix. Nisf, c'est la moitié. Nisf, c'est la moitié. Son opposé, c'est Kullun. Kullun, c'est entier. Rial, rialat. Donc rial, c'est maruf la monnaie. Rialat, c'est son pluriel. Hafila, c'est un bus. Après, ils disent al-hafila. Parce que Aslan, al-bas. Al-hawak Allah. Al-bas, c'est le kalima qui a été prédé. Le poivre et le poivron, ils disent al-hafila, c'est un bus. Non, dit bas, en vérité, tu dis hafila. Son pluriel, hafilat. Su'alun, as-su'al, ma'ruf, c'est question. Une question, ou plutôt la question, as-su'al, son pluriel, normalement, il aurait dû marquer al-as'ila, parce qu'il dit la question, il aurait dû dire les questions. Et là, il a dit des questions. As-ilatun. Baladun, al-balad, pays, bilad, son pluriel. Rubba, l'Europe. Ils disent aussi kazalaka farangi. Tu peux dire aussi farangi pour dire l'Europe. À la Farangi, il est européen. Faranza, ma'rouf, mukhtalifatun, divers. T'as pas ? Non, Farangi, ça c'est moi qui l'ai appris. C'est dit, tu peux dire aussi pour Rubba, tu peux dire Farangi. Et Alium, Rubba, Rubbi, il se voit Rubbi, voilà, Farangi. Alium, ma'rouf, lorsque tu dis Alium, c'est quoi ? Alium. Al-Yawm. Al-Yawm, c'est le jour. Le jour. Le jour. Ayam, c'est des jours. Al-Qirshu, c'est la monnaie des... Centimes saoudiens. Il représente en réalité 5 centimes saoudiens. Al-Latoum, cette monnaie, elle est aussi utilisée en Égypte. En Égypte aussi. Hein. Moi, je connais ça en Égypte. Ils disent, eux, c'est la monnaie, c'est le Qirsh. Qirsh. C'est celui qui monte sur... un voyageur, ils disent pas un voyageur, mais un passager. Rukab, c'est son pluriel. Qadimun, ancien. Qudama, et tu peux dire Qudama en mettant l'alif après le même. Non, Ibn Qudama. Qudama. C'est pas Qudama. Parce que là, il y a deux mal. Qudama. Qudama. Qudama. Qudama. Qudama. Qudama. Qudama. Qudama. Après, t'as quoi? Al-Jayb. Ou Al-Jayb. Et c'est ma'ruf. Al-Jayb, nous, on dit la poche. Lakin, dans Sahih, Al-Jayb, c'est ce que le col. Wa yadribna bijalabihin ala juyubihin. Ala juyubihin, ils disent Al-Jayb, c'est yani, ce qui va sur la, c'est ce qui va sur la poitrine. Comme le col. Al-Ma'ruf, c'est Al-Jayb. Lorsque tu dis la poche, t'appelles ça Al-Mikhba. Al-Mikhba, pourquoi ça vient de Khaba'a. Khaba'a, c'est le fait de dissimuler une chose. Trabbe. Ou Al-Mikhba, c'est l'endroit où tu vas cacher les choses. Toi, Mikhba. Ah, ça, c'est Mikhba. Tu t'appelles ça Mikhba. Tu t'appelles pas ça Yanni Jayb. Al-Jayb, c'est ça. Lakin Al-Ma'ruf, maintenant, parce que tu dis, il parle de Jayb, il parle de les poches. Al-Mania, Ma'ruf, on l'a déjà vu. Yunan. Yunan. Alors, c'est de quoi? Yunan. C'est vraiment plus, c'est dans le texte. Yunan, c'est la Grèce. Wa Malaysia, ma'ruf. Et comme tu as dit, shukran, c'est merci. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin la tarkan ilayhim haula'i tha'abi.